Hallelujah. Thank you, Jesus. Hey, Shabba. Hallelujah. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi sur la terre. Il n'y a que toi, il n'y a que toi sur la terre, Seigneur. Il n'y a que toi sur la terre. La guérison a un nom, Jésus. Yeah. kofandisa ngai Yesu na mesa na yo Yesu na bomele na na Tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est toi le repos parfait, Seigneur. C'est toi le repos parfait, Seigneur. C'est toi le repos parfait, Seigneur. C'est toi le repos parfait, Seigneur. J'aimerais reposer avec toi, Seigneur. I want to dwell in your presence. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, avec nous. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh, oh. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Yahweh, oh. Yahweh, oh. C'est papa, papa, papa. Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, want you to lift your voice in your own way. Benga ekombonyo so ebi obenga la kai. Soka za mopesi, benga mopesi. Soka za hafa, benga rafa. Soka za hila, mobiki si benga hila. I say, over all my problems, my help can only come from you because you are the living word. Tu as dit, I lift my eyes to the hill. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident. Les secours ne viennent que de toi, Seigneur. Car c'est toi la parole de vie. Car c'est toi la parole de vie, Seigneur. Je vais inviter ma sœur Gloria Kazadi de venir nous aider à chanter cette chanson. Over all my problems.